je vais me balader. Ta rue l'Europe, j'ai pas lâché. Si tu veux me faire bâtard, faut pas me louper. J'attire les bimbos, pas besoin de klaxonner. La monnaie Rambo, moi je suis un gros bonnet. Elle veut me misto, monter dans le Viano. J'ai pas 100 ans, je suis parano, je suis dans mon bando. Dans la sacoche et le canon. Au comico en cours d'assises, on donne pas de nom. Millions de vues, toujours pas quitter le charbon. Pour blanchir l'oseille, on a plus le même plafond. Ouais. La caillée, la caillée, la caillée, dans le bolide, c'est nous. C'est là qui t'a kiffé la loi dans la zone. La caillée, la caillée, la caillée, dans le bolide, c'est nous. C'est la guitare qui nous a bercé depuis mon. La caillée, la caillée, la caillée, dans le bolide, c'est nous. Amarré la bolide allemand, juste la loi. La caillée, la caillée, la caillée, dans le bolide, c'est nous. C'est la vovo qui fait parler micro la sauce. Vovo, vovo, vovo, vovo, vovo. Je suis trop carbo, c'est un truc de malade. Appelle-moi pas moi de tout gros, j'ai ma puce les barres. On l'a au monde de Malaga, on esquive tous les barrages. C'est trop miné dans le bando. Dans la sacoche, j'ai le canon. Au comico en cours d'assises, on donne pas de nom. Millions de vues, toujours pas quitter le charbon. Pour blanchir l'oseille, on a plus le même plafond. Ouais.